ثم قال هل المجاهر بالمعصية إذا تاب تقبل توبته؟ Celui qui fait des péchés apparents, ne se cache pas, et le tous, est-ce que ça, son repentir sera accepté? Ah là, avec Allah Ta'ala, la shak an Allah yakbalu tawbata min jami' adh-dhunub min al-mujahirin wa ghayrihim hatta al-kuffar. Qul lil-ladhina kafaru yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Je dis, il ne fait aucun doute que Allah accepte le repentir de tous les péchés, que celui qui les fasse en apparent ou autre, ou même du kafir, il fait tawbah du kufr, du shirk, Allah l'accepte. Dans le sens où Allah il dit à ceux qui ont mécru que si jamais ils cessent, qu'il leur sera pardonné ce qu'ils ont fait auparavant. Al-Anfal, le butin, verset 38. Et on sait que l'islam efface tous les péchés. L'islam est... Et quoi d'autre? Il y a trois choses qui effacent les péchés antérieurs. Al-Hijra et... Là. On parle des choses qui, en elles-mêmes, sont une tawbah. Tawbah, non, mais je veux dire, les actes en islam, on a trois. Dont l'islam, dont la Hijra, la cité, et la troisième. Dans le même hadith sont venus. Hein? Là. Al-Hajj. Al-Hajj mabrour. Al-Hajj qui est bien accompli. Comme quand le Nabi sallam, Alam ta'alam an islam yahdam ma qablahu, wa an al-Hajj yahdam ma qablahu, wa an al-Hijra yahdam ma qablaha. Voyez? Ça veut dire que ça efface tout ce que tu fais auparavant. Tu es musulman, tu es kafir, tu es musulman, tous tes péchés sont effacés. Et oui, vous voyez, c'est que pour les sorahirs, mais le hadith, il est mutlaq. Et c'est quel hajj par contre? C'est le hajj qui est mabrour, un hajj qui est bien accompli, sans fousouk, sans dispute, sans mensonge, avec de l'argent halal, tout ça. Et la hijra également. Ce que ça fait auparavant, c'est effacé. Lakin, en ce qui concerne le hajj et la hijra, ça concerne. Ça ne concerne pas le droit des gens. Tu as volé par exemple des biens des gens, des muslimines, avant, tu dis j'ai fait les jachas, j'ai pas remboursé, on dit là. J'ai fait le hajj, j'ai pas remboursé, on dit là. Tu dois rembourser quand même. Là, ça concerne le droit des autres. Mais toi, tes péchés à toi, qui te concernent toi, ils sont effacés. Et la vie authentique, c'est les grands et les petits. Tous les péchés. Le hadith, il est âme. Tu vois, il est âme. Sans quoi? Quelle aurait été la faïda de préciser ces actes-là alors qu'il y a plein d'actes qui effacent ces petits péchés? Voilà. Donc là, c'est quoi la particularité de ce hadith-là? Ça englobe les grands également. Les grands péchés, tant que ça ne touche pas aux droits des autres. Alors, la hijra et le hajj, tant que ça ne touche pas aux droits des gens, ça efface ce que tu as fait auparavant. Et bien sûr, tu as fait les choses de façon légitime, légiférée et sincère, bien sûr. Ce maqala, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول التوبه تجب ما قبلها. Donc la tawba efface ce qu'il y avait auparavant. Et la tawba, ses conditions, quelles sont-elles? Awalan, que tu regrettes ce que tu as fait, que tu cesses sur le champ et que tu as l'intention de ne plus jamais recommencer. Hadhiya, les amis, se concentrent des gens, tu leur rends leur droit, d'accord, tu leur rends leur droit. والله تعالى يقول قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. Ô mes serviteurs qui ont été outranciers envers eux-mêmes, contre outrepassés contre eux-mêmes, ne désespérez pas de la rahma d'Allah, que Allah pardonne tous les péchés. Tous les péchés, Allah les pardonne tous. فالتوبه الصادقه تكفر الذنوب جميعا الشرك والكفر والنفاق وكل المعاصي من تاب تاب الله عليه. Donc la tawba sincère expie tous les péchés, le shirk, le kufr, l'hypocrisie et tous les obéissances. Et celui qui se repentit, qui se repent en fait, Allah se repentit.